regard humide sur tes hanches. Déjà vers toi quelqu'un s'avance. Toi tu ne marches pas, tu danses. Ta façon de croire en la chance. Et moi, je pleure de toi. Et moi, je pleure de toi. Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? J'étais au petit soin pour toi, présent, câlin, torride parfois. J'aurais dû être autre que moi, car moi, je ne comprends pas. Non, moi, je ne comprends pas. La rage au ventre, je prends sur moi. Je ne peux pas crever pour ça. Je déchire le portrait de toi qu'avait peint ton amie Diana. Et moi, je crie sur toi. Oui, moi, je crie sur toi. Qui traînait là dans un placard, et je compose cette chanson en rêvant à d'autres horizons. Et moi, je vis sans toi. Et